L'offre de remboursement de SFR débarque chez Monsieur Comte de Noël. Il était une fois mon mobile et moi. Par une belle journée, je me rendis chez SFR et là, 500 euros remboursés. Mon ancien mobile devint alors flambant neuf. Pendant le Noël de SFR jusqu'au 13 janvier, profitez de jusqu'à 500 euros de remise sur un nouveau mobile. Soit jusqu'à 400 euros en rapportant votre ancien mobile en magasin, plus 100 euros remboursés sur demande. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition, montant de la reprise variant selon le mobile éligible acheté. 100 euros remboursés pour la souscription d'un forfait 60 gigas et plus avec engagement 24 mois. Détails sur sfr.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire de la première femme et la seule aujourd'hui encore à avoir exercé les fonctions de première ministre en France, Edith Cresson. En politique, la patrie des droits de l'homme semble avoir oublié ceux de la femme. Ainsi, nous, Français, nous pouvons dire « Notre pays est l'un des derniers en Europe occidentale qui ne fait pas confiance aux femmes pour le diriger. » Même si, de ce point de vue, nous n'avons rien à envier à l'Italie, par exemple, ou à l'Espagne, dirigée eux aussi, jusqu'à aujourd'hui, par des hommes. Et que dire des États-Unis qui n'ont jamais élu de président d'eux. Mais tout de même, un chiffre pour illustrer le machisme tranquille de notre vie politique. Sous la 5e, on dénombre 23 premiers ministres pour 8 présidents. Edith Cresson fait donc exception. Et dès qu'elle arrive à Matignon, elle veut imposer son style, franc, direct, dynamique. Or, après un peu plus de 10 mois passés à Matignon, elle est poussée vers la sortie. Une majorité socialiste qui la soutient peu ou pas du tout, une cote de popularité catastrophique et un échec cuisant aux élections cantonales et régionales, ce sont les raisons à la fois officielles et réelles. Mais les attaques machistes et misogynes de la classe politique de l'époque nous laissent à penser que la condition de femme d'Edith Cresson n'est pas tout à fait étrangère à son éviction. Notre invité aujourd'hui, Michel Cotta, journaliste et écrivaine, auteur avec un E des cahiers secrets de la Ve République, publié chez Fayard. Son dernier ouvrage, sorti en mars dernier, s'intitule « Le Paris de Mitterrand », publié chez Alexandrine. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Cet après-midi, j'ai nommé Madame Edith Cresson, Premier ministre. Madame Edith Cresson, qui a été successivement ministre de l'Agriculture, de l'industrie, du commerce extérieur et des affaires européennes, et qui a montré partout compétence et caractère, m'est apparue comme la plus apte à diriger ce gouvernement puisqu'il s'agit d'atteindre l'objectif que j'ai fixé. Objectif 93. Mes chers compatriotes, moi, j'ai confiance. Si nous nous y mettons tous, ça marchera. Le lendemain de cette annonce télévisée laconique, le 16 mai 1991, le journal Libération titre en première page « Et Dieu nomma la femme ». Dieu, dans cette France de 1991, c'est François Mitterrand qui dirige le pays depuis 10 ans. La femme, c'est Edith Cresson, la voilà matignonne. Quelques jours avant cette annonce, elle reçoit un coup de téléphone. C'est François Mitterrand. Il veut déjeuner avec elle. Cela fait des semaines que les deux s'entretiennent régulièrement. Lors de ces rendez-vous, le président taille des croupières à son premier ministre, Michel Rocard, qu'il déteste, c'est de notoriété publique depuis des lustres. Ce jour-là, il lance Edith Cresson. Eh bien voilà, Rocard va s'en aller. Et j'ai pensé que vous pourriez prendre cette fonction à Matignon. Edith Cresson ne se réjouit pas, et rétorque même en imaginant tous les problèmes à venir. Vous savez, ils seront furieux, faisant allusion à tous les caciques du Parti Socialiste, essentiellement des hommes. Bon, le chef de l'État fait semblant de ne pas comprendre. Dans le documentaire François Mitterrand, le roman du pouvoir de Patrick Rothman, Jean-Louis Bianco et Hubert Védrine, proches conseillers de François Mitterrand, reviennent sur les coulisses de cette nomination. Il a consulté, mais c'est une idée de lui tout seul. Et certainement contre l'avis de ses conseillers et de ses collaborateurs qui ne voyaient pas Edith Cresson dans cette fonction. Son raisonnement de l'époque, c'est donc 10 ans après le début, c'est la recherche du volontarisme. quelqu'un qui va secouer, qui va bouger. Je vais me sentir alors en pleine harmonie avec elle, alors qu'avec Rocard, c'était pas facile. On ne s'entendait pas, pour pas dire pire. Mais aussi, François Mitterrand entend redynamiser son deuxième mandat et laisser une trace dans l'histoire en étant le premier président de la République à nommer une femme première ministre. Dans le documentaire « L'enfer de Matignon », réalisé par Philippe Colli, Edith Cresson confie. Son argumentation, c'était la suivante, c'était « Je ne veux pas quitter mes fonctions de président de la République avant qu'une femme ait occupé ce poste de premier ministre. » Il m'avait tenu un petit peu ce langage plusieurs années auparavant, lorsqu'il m'avait proposé en 81 le ministère de l'Agriculture, en me disant « Ce serait une provocation de mettre une femme à l'agriculture, un milieu conservateur, plutôt... enfin, assez misogyne, il faut bien dire. Et je l'avais accepté aussi un petit peu pour ça. » Coupe politique. Edith Cresson sait très bien que sa nomination sera largement commentée et qu'elle devra faire face à de nombreuses attaques. Mais cette femme politique n'est pas du genre à baisser les bras. Et puis, Matignon, ça ne se refuse pas, encore moins, quand c'est une proposition de François Mitterrand dont elle est une fidèle de la première heure. ...1965, première élection présidentielle au suffrage universel. François Mitterrand est le candidat unique de la gauche. Son équipe de campagne, c'est son parti politique, la Convention des institutions républicaines, petit parti aux grandes ambitions, tout au service d'un homme. Parmi les militants de base, une trentenaire vient de se lancer en politique. Elle s'appelle Edith Cresson. Elle est mariée, mère de deux enfants et diplômée de HEC. C'est par l'intermédiaire d'une camarade de promotion, Paulette de Crène, très proche de François Mitterrand, qu'Edith Cresson va rejoindre l'équipe de campagne. Elle prend 3 semaines de congé pour venir taper à la machine, faire des paquets d'enveloppes, coller des timbres. Edith répond aussi au téléphone et aux gens qui demandent « Que ferait le candidat Mitterrand dans telles circonstances ?» Eh bien, elle invente des réponses, car le programme du candidat n'est pas encore très détaillé. Bref, on improvise. Et ça marche. À la surprise générale, François Mitterrand met le général de Gaulle en ballotage. Au second tour, il parvient à réunir 44,8% des voix devant la statue du commandeur, une performance exceptionnelle et, pour le général, un sacré camouflet. C'est lors des législatives de 1967 qu'Edith Cresson rencontre réellement François Mitterrand. Il la remercie pour sa contribution. Edith tombe sous le charme politique du leader de la gauche. Elle dira, d'ailleurs, « Aucun autre n'aurait pu susciter en moi le sens du sacrifice comme il l'a fait. Il m'est arrivé de me dire, dans un de ces vagabondages de la pensée qui vous entraîne parfois, que si je commettais un crime, c'est à lui seul que j'irais le confesser. » Elle a trouvé son dieu, Mitterrand, et un culte, la politique. Dans ce livre, Edith Cresson, la femme piégée, Elisabeth Chemla brosse le portrait de la future première ministre. François Mitterrand sait qu'un jour, Edith Cresson sera parmi celles sur lesquelles il pourra le plus compter. Outre son caractère, elle a un atout décisif pour cette esthète, sa féminité si naturelle qui devrait plaire. C'est un beau brin de fille, charpente solide et visage plein, qui attire par ses contrastes. Les paupières lourdes évoquent le froissement des dentures, le rire en cascade est pur comme l'innocence. La voie placée entre Faubourg et Saint-Honoré passe sans crier gare de l'alcôve au marché et du marché au salon. Elle retrousse ses manches en bon bûcheron, mais croise ses jambes, comme une star. Elle a le cœur qui flanche en écoutant Piaf, récite à ses filles des poèmes de Hugo ou des tirades de Britannicus. Mais impulsive, elle invective, agresse, défend bec et ongles ce qu'il y a à défendre et crèverait volontiers les yeux de ceux qui attaquent ses idées ou son modèle. En 71, elle adhère au Parti Socialiste, tout juste créé au Congrès d'Épinay. 4 ans plus tard, François Mitterrand la propulse secrétaire nationale du parti. La même année, en 75, c'est le baptême des urnes. Le PS la parachute dans la 2e circonscription de la Vienne lors d'élections législatives partielles. Personne au PS, notamment Michel Rocard, n'a voulu aller livrer ce combat électoral perdu d'avance. Dans une circonscription rurale acquise à la droite et face à un ministre, Pierre Ablin en l'occurrence, aucune chance. François Mitterrand dit alors à Edith Cresson, c'est une candidature de témoignage, 3 petites semaines de campagne, hein, histoire de se faire la main sur le terrain. Comme prévu, Edith Cresson est défaite, mais sur un score honorable. Elle bat même le ministre Giscardi en nombre de voix dans la ville de Châtellerault. Et puis elle est séduite par ses habitants à l'esprit contestataire qu'elle partage. Elle ne lâchera plus cette région qui deviendra son fief. En 1977, elle est élue maire de Turet, petite ville de la banlieue de Châtellerault. 2 ans plus tard, elle fait son entrée au Parlement européen. Au Parlement, justement, elle retrouve un ami de longue date, Jean de Lipovski, qui siège pour le RPR. Et lors des voyages en avion entre Strasbourg et Paris, elle se lie avec un autre député européen de droite, Jacques Chirac. En octobre 80, un dîner est organisé par Lipovski chez Edith Cresson. Au programme, une rencontre entre le premier secrétaire du PS et le patron du RPR. Oui, c'est ce soir-là que François Mitterrand et Jacques Chirac s'entendent pour faire tomber Giscard en mai 81. Le but de la manœuvre pour le leader socialiste et pour le leader gaulliste, c'est que le premier soit élu et que le second devienne le chef de l'opposition. Gagnant-gagnant, quoi. Entre les deux tours, Jacques Chirac fait passer des consignes pour faire élire François Mitterrand. À ce propos, Valéry Giscard d'Estaing raconte qu'un jour, entre les deux tours, en 81, il a appelé une permanence du RPR. Maquillant sa voix à l'aide d'un mouchoir, il a dit au militant, ou à la militante qui a pris son appel, « Bonjour, je suis électeur gaulliste. Que dois-je faire ? Voter Giscard ?»« Non, lui répond la voix. Il faut voter Mitterrand. » Comme ça, c'est clair. Le pacte Chirac-Mitterrand existe bel et bien. Place de la Bastille, la fête populaire. Ils seront 200 000 au pied du génie de la liberté. Et cette fois, ce n'est plus pour revendiquer, mais pour se réjouir. Président Mitterrand ! Président Mitterrand ! À son arrivée au pouvoir, en mai 81, François Mitterrand propose un poste explosif à Edith Cresson, l'agriculture. Une nomination perçue comme une provocation, si ce n'est une déclaration de guerre pour les syndicats agricoles, FNSEA en tête. Mais Edith Cresson rend coup pour coup, comme lors de cette rencontre avec des agriculteurs le 2 février 1982 dans une exploitation du Calvados. Si, et des fois on se le demande si votre mission n'était pas celle de saborder le navire, dans ce cas nous vous disons partez, sinon les moussaillons que nous sommes, eh bien avant de périr vous mettrons par-dessus bord. Loin de vouloir diviser, ce qui serait absurde, les agriculteurs, je cherche au contraire à les rassembler tous. Les petits comme les grands, parce que tout le monde a le droit à la parole, et qu'à la veille de ce combat très difficile à Bruxelles, les agriculteurs français doivent être au coude à coude, de façon à aider le gouvernement à remporter un succès. Nous sommes au travail, il ne faut pas que l'équipage ait peur, hein. C'est dans les tempêtes qu'au contraire il faut que chacun soit à sa place, fasse son boulot. À l'issue de ce dialogue houleux, 300 manifestants refusent de se disperser. Face à cette foule d'agriculteurs en colère, la ministre se retrouve dans un coin de cour boueux. Protégée par les gendarmes, elle est exfiltrée dans un verger, d'où elle quitte l'exploitation agricole en hélico. Lors d'une réunion de la FNSEA, la plus grande fédération syndicale agricole, on déploie une banderole sur laquelle on peut lire, écrit en lettres rouges, un message d'un autre temps, même pour les années 80. Edith, on t'espère meilleur au lit qu'au ministère. Ce à quoi elle intéresse ses répliques, ça tombe bien que je sois ministre de l'Agriculture, puisque j'ai affaire à des porcs, je vais pouvoir m'occuper de vous. Une variante de balance ton porc, en quelque sorte. Et de toute façon, que ce soit face aux agriculteurs français ou face à ses homologues étrangers, la ministre de l'Agriculture ne se laisse pas faire. À titre d'illustration, l'un de ses collaborateurs, Jean-Philippe Adjé, raconte un épisode tendu lors de négociations avec les soviétiques à Moscou. Edith Cresson, bureau du ministre du Commerce extérieur qui s'appelait Patolitchev. Et là, ça a le méchant éclairage, les soviétiques renâclent. Edith Cresson face à Patolitchev le regarde et lui dit « Voilà ». Il est 18h15, notre départ de cette salle est prévu à 19h15 pour aller au Bolchoï pour la soirée. Si dans une heure, cet accord n'est pas signé, je me lève, je téléphone à Pierre Mauroy, notre Premier ministre, je lui dis que les relations sont rompues avec vous. La délégation soviétique un peu interloquée se lève, sort de la salle. On a fumé pendant cette heure beaucoup, beaucoup, beaucoup de cigarettes. Edith était impassible, n'a pas bougé. Elle avait l'air détendue. Ils sont revenus une heure plus tard. Ils ont signé. On est quand même arrivé un petit peu en retard au Bolchoï. La négociation forceps pour arracher un accord, c'est sa spécialité. À ses collaborateurs, Edith Cresson a l'habitude de dire « Emballez-moi bien, je vais les finir ». Comme le dira plus tard François Giroud, plus ou moins bien inspiré sur ce coup-là, c'est une femme qui en a. Ah bon, le courage sera un marqueur masculin. Sur le plan électoral, Edith Cresson montre sa capacité à mener des campagnes et surtout à les gagner. En 81, portée, il est vrai, par la vague rose, elle est élue députée de la Vienne. En 82, conseillère générale du même département. Et en 83, lors de la débâcle du PS au municipal, elle est la seule socialiste à ravir une ville de plus de 30 000 habitants à la droite. C'est Châtellerault, la même où 8 ans plus tôt, elle livrait son premier combat électoral. Son fief est désormais bien verrouillé. Côté gouvernement, après son passage à l'agriculture, Edith Cresson pose ses valises au ministère du Commerce extérieur, où elle déploie sa vision de l'avenir et sa priorité. Il faut assurer la compétitivité des entreprises européennes face aux américaines et aux japonaises. Ce leitmotiv ne la quittera jamais. En 88, après la réélection de François Mitterrand, elle devient ministre des Affaires européennes. Mais en désaccord avec la politique du Premier ministre sur ce terrain, elle claque la porte en octobre 90. Edith Cresson commence alors une carrière dans le privé. Mais 2 mois après son départ de la vie politique, elle reçoit le fameux appel de François Mitterrand. Quand tu traverses la pièce, en silence que tu passes devant moi, je regarde tes chances, la lumière tombant sur tes cheveux. Quand tu t'approches de moi, ton parfum me fait baisser les yeux. Et si tu touches mes mains, je m'arrange pour ne pas y penser. Je n'ai pas l'ami comme toi. Mai 91, pour nommer Edith Cresson et débarquer son ennemi juré Michel Rocard, François Mitterrand attend la fin de la guerre du Golfe. Et il choisit une date symbolique, 10 ans pile après son élection de 1981, avec l'envie de déclencher le même enthousiasme que celui qu'avait provoqué en 88 la nomination de Rocard, très appréciée des Français. 8 mois après sa démission des Affaires étrangères, Edith Cresson pose dans la cour de Matignon pour la passation de pouvoir. Selon les mots de Rocard, ce fut aimable et bref. On imagine l'ambiance. Devenue première ministre, Edith Cresson doit faire face à une première attaque, venue celle-là du député UDF François Daubert, qui réagit devant les caméras à sa nomination. Là, vraiment, on est dans un système incroyablement monarchique. Regardez le parcours de Madame de Pompadour, regardez le parcours d'Edith Cresson. Il y a un parallélisme certain. Edith Cresson réagit sur le plateau de télé de France 2 pour sa grande première en tant que chef du gouvernement. Monsieur Daubert, 200 ans après la Révolution française, vit toujours dans un boudoir. Bon. Qu'est-ce que vous voulez, chez moi, à Châtellerault, où les électeurs votent majoritairement pour moi, à de nombreuses élections, j'imagine que ça doit les surprendre. Je suis peut-être la favorite, mais la favorite de mes électeurs. Si Edith Cresson balaye avec habileté les attaques sexistes devant les caméras, en coulisses, elle fait face à un premier problème. François Mitterrand ne lui laisse pas les mains libres pour la composition du gouvernement. Elle l'explique dans le documentaire « L'enfer de Matignon » réalisé par Philippe Colli. Je n'ai pas pu non plus constituer le gouvernement que j'aurais souhaité, puisque un certain nombre de ministres m'ont été imposés par le président de la République. Par exemple, il avait une petite liste à côté de lui sur son bureau, et il m'énumérait des noms de ministres dont il voulait qu'ils soient dans le gouvernement. Il m'a même dit « ça serait bien de prendre une petite beurre qui s'appelle Kofi Annan ». Alors, en sortant de son bureau, j'ai appris que c'était pas une petite beurre, mais c'était un homme qu'il était d'origine africaine. Il a été très bien, j'ai pas du tout eu à m'en plaindre. Mais ce que je veux dire, c'est que la liste qu'il avait à côté de lui, manifestement, lui était soufflée par quelqu'un, et ce quelqu'un, c'était Laurent Fabius, qui lui avait déjà donné les noms qu'il souhaitait. Laurent Fabius, un homme dont elle se méfie depuis sa première rencontre au milieu des années 70. À l'époque, elle dit à François Mitterrand, c'est un opportuniste. Mais si Edith Cresson n'avait que Fabius contre elle, en réalité, cette femme politique qui ne fait partie d'aucun clan doit faire face à toutes les manœuvres des barons socialistes. Et de fait, la majorité des ministres importants gardent leur place dans le gouvernement. Pierre Bérégovoy, Roland Dumas, Lionel Jospin, Pierre Joxe, Jack Lang. Deuxième problème, Edith Cresson ne dispose plus de coalition parlementaire avec le centre droit. La nouvelle majorité gouvernementale est fragile, composée seulement de députés PS et de radicaux de gauche. À l'Assemblée, elle ne peut compter que sur 48% des sièges, ce qui, par définition, ne fait pas une majorité pour faire passer telle ou telle loi, telle ou telle réforme. Une semaine après sa nomination, elle se présente devant les députés pour son discours de politique générale. Au Palais Bourbon, elle évoque un sursaut indispensable pour l'économie du pays et son désir de faire réussir la France dans l'Europe de 1993 et dans le monde de l'an 2000. Habillée d'un tailleur strict, très bon chic bon genre, Edith Cresson interpelle les élus de tous les partis pour élargir sa majorité. Ma méthode sera celle de la concertation et du dialogue avec tous, sans préjugés. Mon action passée est là pour le démontrer, s'il en était encore besoin. Je chercherai avec vous les majorités les plus larges, sans que personne ait à renoncer à ce qu'il est. Après elle, Charles Millon pour l'UDF, Edmond Alfandéry pour l'Union du Centre et André Lajoigny pour le PCF viennent manifester leur défiance envers la nouvelle première ministre. Il faut dire que sa prestation est moyenne. Mitterrand lui-même jugera ce discours long et ennuyeux. Dans cette cage au lion, Edith Cresson est aussi victime de nombreuses attaques sexistes, comme en témoigne Denis Cacheux, député PS, dans le documentaire « Femmes et politiques » réalisé par Maurice Dugosson. J'ai entendu des députés derrière moi dire « elle est pas mal foutue », etc. « Crois-tu qu'elle a un slip ?» Je me suis retournée pour leur demander si eux, ils en avaient un. Oui, j'ai entendu ça, mais je veux dire, dans un flot d'autres ordures du même genre. Donc, je veux dire, je n'ai pas particulièrement fait attention à cette phrase, surtout après un déjeuner bien arrosé. Ils sont un peu congestionnés, et alors à ce moment-là, la vraie nature, évidemment, ressort. Donc, je peux dire que cette phrase-là, je l'ai entendue. Elle ne m'a pas spécialement désarçonnée, parce que j'avais une très, très grande habitude de phrases de ce genre. Et je veux dire, là, au moins, c'était direct. Souvent, c'était beaucoup plus insidieux. Edith Cresson est armée, blindée, même contre les attaques sexistes et misogynes qu'elle subit depuis le début de sa carrière politique. Dans l'arène de l'Assemblée, un peu plus d'un mois après son arrivée à Matignon, une passe d'armes a lieu entre elle et un ancien Premier ministre qu'elle connaît bien, Jacques Chirac. Après une intervention où le député RPR reprend les arguments du Front National, notamment sur l'immigration, Edith Cresson prend le micro et met le feu à l'Assemblée. J'avais le sentiment de ne pas entendre Jacques Chirac, mais Jean-Marie Le Pen. Et l'Assemblée bascule, brouhaha, tohu-bohu, charivari. Malgré cela, Edith Cresson va plaider en faveur du dialogue dans les banlieues. Quelques jours plus tard, à Orléans, Jacques Chirac persiste et signe ce qui reste peut-être sa pire déclaration, d'autant plus qu'elle ne lui ressemble pas. C'est là qu'il évoque le bruit et l'odeur à propos des immigrés. L'expression reste aujourd'hui gravée dans la mémoire des Français. Mais il n'est pas le seul à choquer le pays. Edith Cresson, elle aussi, va se fendre de quelques formules maladroites. 4 jours après sa prise de fonction, elle s'illustre avec cette phrase « La bourse, j'en ai rien à cirer ». Puis le 16 juin, un quotidien britannique sort une petite bombe en publiant une interview datant de 1987, jamais publiée, où Edith Cresson déclare que 25% des Américains, des Anglais et des Allemands sont homosexuels. Avant d'ajouter, c'est un problème d'éducation et je considère ça comme une sorte de maladie. Aïe. Quelques jours plus tard, le Herald Tribune rapporte une autre déclaration où la première ministre considère que les Japonais travaillent comme des fourmis. En juillet, harcelée par des questions sur l'immigration, elle est poussée à la faute et répond très maladroitement sur la question des vols charters. Vous appelez ça des charters ? Mais ce ne sont pas des charters. Parce que des charters, c'est des gens qui partent en voyage, en vacances, avec des prix inférieurs. Là, ce sera totalement gratuit. Chômage, déficit de la sécurité sociale, violences urbaines, problèmes si profonds qu'ils sont d'actualité 30 ans plus tard, plus les déclarations à l'emporte-pièce, ça fait beaucoup et les attaques ne vont pas cesser. Dans les arcanes du pouvoir, disons-le tout net, nombreux sont ceux qui veulent sa peau. Mais Edith Cresson peut compter sur le soutien d'un personnage qu'aucun commis de l'État ou autre professionnel de la politique n'ose contredire, suivez mon regard. Et d'ailleurs, il le fait savoir lors de la très monarchique interview du 14 juillet. Eh bien, Cresson, il a une langue vivante. Il aime qu'on mette les pieds dans le plat, vous pensez, le peuple. Il a massé. Mais le populisme. Il est important que le Premier ministre soit cette femme de courage, pratique, ayant le sens des choses concrètes, ayant du bon sens, de l'énergie et voulant de l'action. Voyez-vous, quand on change les habitudes, il faut changer les habitudes d'un certain nombre de Français pour gagner la bataille de l'Europe. Quand on change les habitudes, ça dérange. Et c'est vrai que Mme Cresson dérange. Alors il y a pas mal de gens qui sont contre, mais moi je suis pour. Le problème, c'est que les critiques contre sa première ministre entraînent le président dans sa chute côté sondage. Il faut 2 mois seulement pour que le charme de la nouveauté s'estompe aux yeux des Français. Pour la première fois en 10 ans de présidence, les courbes de confiance, pas confiance, se croisent pour François Mitterrand. Bon, ce n'est qu'un sondage, mais dans une démocratie d'opinion, ça compte. Et ça affaiblit forcément. En tout cas, s'il fallait sauver la soldate Cresson, l'interview du 14 juillet ne fonctionne pas. Pire, quelques jours plus tard, la chaîne américaine ABC diffuse des propos tenus par Edith Cresson. Dans l'entretien, elle réitère ses déclarations sur les Anglais et les Japonais. Entre pièges tendus par les journalistes et franc-parler, le cocktail est explosif. Edith Cresson ne maîtrise pas sa communication, ne cherche pas à le faire et les effets sont désastreux. Allez, venez les gars, on va vous montrer une petite danse qui va vous faire gigoter les jambons et vous remuer le lard. D'autant que depuis le début de son mandat, une émission de télévision censée faire rire, le bébé de show, sommet de bêtises et de vulgarité, participe à la destruction de son image. Edith Cresson est représentée sous la forme d'une panthère surnommée Amabot. Dès la première émission, devant 10 millions de téléspectateurs, Amabot répète tout ce que dit la grenouille Mitterrand. Les Français qui connaissent assez peu Edith Cresson la découvrent, personnage falot qui n'a rien à dire, sauf ce que le président dit lui-même et qu'elle relaie fidèlement. Le personnage de Charles Pasqua, le morse pas de quoi, déclare dès sa première émission « Elle est con comme une valise sans poignée. Si on est devenu un pays de jobard, on a le premier ministre qu'on mérite. » Et voilà la vulgarité, l'acrimonie qui s'allie au machisme. C'est bien cool, et c'est presque un théorème. Mais là, ça va vraiment très loin. Le bébé de chaud, le bien nommé finalement, va jusqu'à présenter le premier ministre, la première ministre, comme le jouet du dieu Mitterrand, mi-putain, mi-crétine. Elisabeth Chemla, auteure du livre Edith Cresson, la femme blessée, détaille sur France 3 la nature des attaques contre elle. Elle a été attaquée par le bébé de chaud en tant que femme, donc de façon raciste. Et si vous voulez, je crois que j'ai fait un énorme travail là-dessus, c'est-à-dire que j'ai repris, sur les 10 mois et demi, le script jour par jour du bébé de chaud. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne des horreurs que je suis navrée d'être obligée de répéter. Un premier ministre de la France qui est traité de tromblon, de délabré du bulbe, qui, quand elle essaye de combler le trou de la sécurité sociale qu'elle trouve en arrivant, se voit dans le bébé de chaud, s'entend dire dans le bébé de chaud « va reboucher ton trou », qui est traité de vampire, qui est traité de sorcière, à qui Roucas propose de la violer. Entre dérapages verbaux et caricatures dans le bébé de chaud, l'image d'Edith Cresson est désastreuse. Cette femme politique qui se moque des conseillers en communication voit plonger sa cote de popularité. Selon elle, ce sont les résultats qui priment, peu importe la personne. Mais le temps des réformes, le temps politique, correspond rarement au temps médiatique. Pris dans une spirale infernale, ses volontés de réforme se retrouvent bloquées par la lenteur des administrations, mais aussi par un homme qui voulait sa place, Pierre Bérégovoy. Et Béret détient un poste clé. Il est ministre de l'économie, des finances et du budget, autrement dit. Il est capable de bloquer ou de ralentir n'importe quelle mesure ou réforme. Edith Cresson l'aurait baptisé l'enflure de Bercy. Situation qu'elle explique dans le documentaire L'Enfer de Matignon, réalisé par Philippe Colli. Il faut se rendre compte de ce que c'est que l'extraordinaire forteresse des finances. Avec le ministre, bien sûr, mais avec toute l'administration qui est autour. Les Français ne le savent pas, ils croient toujours que c'est le président de la République et le Premier ministre qui font la politique de la France. Bon, a priori, c'est quand même le Premier ministre qui a la capacité d'arbitrage. Mais ayant cette administration très puissante des finances très souvent contre moi, c'était difficile. Et d'autant que la presse se faisait l'écho du mécontentement de Bérégovoy. Hein, puisqu'il recevait les journalistes régulièrement tous les mardis matins au cours d'entretiens pendant lesquels il exprimait le plus vif mécontentement d'une façon permanente. Pas une semaine ne se passe sans que les barons socialistes alimentent la presse pour descendre la première ministre qui, de surcroît, a le plus grand mal à intéresser François Mitterrand aux réformes économiques qu'elle envisage. Elle confiera plus tard « Assez vite, j'ai senti que le président me lâchait. » Il faut dire aussi que les dossiers économiques qui me passionnaient le laissaient de marbre. Non seulement il était incompétent en la matière, mais il s'en vantait. Seul comptait pour lui la grande politique, la politique étrangère. À cela s'ajoutent les visiteurs du soir qui se succèdent dans le bureau du président pour lui dire que Cresson va faire fuir des députés du groupe socialiste. Selon François Hollande, lui-même député PS à l'époque, tout cela n'était qu'une intoxication de Laurent Fabius. Les députés n'avaient aucune intention de quitter la majorité. Mais devant tous ces éléphants qui le pressent pour avoir la peau d'Edith Cresson, François Mitterrand finit par céder. Il déclare en privé « Si je garde Edith, ils vont la tuer ». Les mauvais résultats électoraux du PS aux élections cantonales et régionales de mars 92 feront le reste. C'est l'occasion de mettre un clap de fin au plus court passage à Matignon de l'histoire, 10 mois et 18 jours. Partagée entre tristesse et colère, Edith Cresson est décidée à déverser ses ressentiments dans sa lettre de démission. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, la missive, jugée trop agressive, n'est pas rendue publique. Mais Edith Cresson fait fuiter au journal Le Monde la phrase qu'elle juge essentielle, celle-là. J'ai toujours estimé que pour remplir pleinement ma mission, je devais disposer d'une équipe gouvernementale restreinte, plus soudée et du soutien explicite des responsables du PS. je constate que ces conditions ne peuvent être remplies. Élie Cresson estime que François Mitterrand l'a utilisé pour être à jamais le premier dans l'histoire à avoir confié le poste de Premier ministre à une femme. Et pendant plus d'un an, elle refuse toutes ses invitations. Coup de froid. Et puis, quelques années plus tard, ou plutôt, c'est la libération par la parole pour Édith Cresson. Elle vide son sac, ça fait du bien. À commencer par Bérégovoy. Tout le monde le sait, ça, oui. Alors, qu'est-ce qui se passait ? Lui, il vivait dans l'idée qu'il voulait devenir Premier ministre depuis 20 ans. Les classiques du PS. Il est tout à fait vrai que la phallocratie dominante survit dans les partis de gauche. Je connais bien le Parti Socialiste, mais pour ce que j'ai pu voir, elle survit aussi largement au Parti Communiste. Les femmes en politique. Les femmes sont des êtres humains, doués d'un cerveau. Il faudrait quand même pas l'oublier. Conclusion. C'était un cauchemar. 91 à 92. Ouais. 91 à 92, c'était un cauchemar du premier au dernier jour, bien sûr. On partage plus de secrets, on ne partage plus nos joints. On se dit plus trop grand chose quand on se voit. S'y brûle plus les doigts et devant tout ce qui nous sépare, sans plus rien qui répare au nom de tout ce qui nous sépare, sans l'ombre d'un espoir. Oh, oh, oh, oh. Notre passé, c'est comme de la poussière qu'on souffle sur un. Disparaissent toutes seules quand je pense à tout ce qui nous sépare, sans plus rien qui répare au nom de tout ce qui nous sépare, comme deux ombres à l'écart. Wow, wow, wow, wow. Écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Édith Cresson, Première Ministre, notre invité Michel Cotta. Bonjour. Bonjour. Journaliste, écrivaine, vous êtes toujours la femme au carnet. Vous avez un joli carnet là devant vous avec votre stylo, ce qui nous renvoie aussi au cahier secret de la Ve République, publié chez Fayard. Combien ? Quatre tomes ou trois ? Quatre. Quatre tomes. Et deux autres chez un autre éditeur. Votre dernier ouvrage, sorti en mars dernier, s'intitule « Le Paris de Mitterrand », publié chez Alexandrine. On en dira un mot d'ailleurs à la fin de l'émission, si on a le temps, on va faire en sorte de l'avoir. Alors, lors de sa nomination au poste de Premier ministre, évidemment c'est une surprise, on s'en souvient tous, ce sont des faits qui sont vieux, hein, 20 ans c'est rien. Est-ce que vous êtes vraiment surpris, vous, les journalistes qui observaient à cette époque, les journalistes qui observent à cette époque la vie politique de très près, ou est-ce que vous l'avez senti venir? Est-ce que vous êtes dit... À cette époque, on va avoir une femme première ministre, ça va arriver. Non, je ne pensais pas avoir une femme, je pensais à la rigueur qu'on allait avoir Edith Cresson. Et bien elle et pas une autre femme, parce qu'on savait que depuis quelques temps déjà, François Mitterrand l'a testée, lui disait de se préparer, toute chose qui ne trompe pas, moyennant quoi, comme elle n'était pas non plus tombée de la dernière pluie en ce qui concerne Mitterrand, elle savait que Mitterrand devait dire ça à d'autres, donc elle ne s'y attendait pas trop, mais enfin quand même, elle était en contact permanent, alors qu'elle avait démissionné du gouvernement Rocard, elle était en contact permanent avec François Mitterrand. Mais en plus, moi, ce qui me faisait penser que peut-être c'était possible qu'elle soit nommée, c'est que c'était l'anti-Michel Rocard, en quelque sorte. Avec Michel Rocard, François Mitterrand se sentait en cohabitation. Une cohabitation interne au socialisme, enfin en cohabitation. Et en plus, les forts scores remportés dans tous les sondages par Michel Rocard... empêchait beaucoup le président de s'en débarrasser. D'ailleurs, au début, lorsqu'il l'avait nommé, il avait eu une phrase qui a été répétée, qu'il faut se débarrasser, il faut lever l'hypothèque Rocard. Et puis, il s'aperçut qu'il n'arrivait pas à la lever facilement. Bon. Et puis, quand il a choisi, alors l'anti-Rocard, c'était Edith Cresson à l'intérieur du parti. Il y en avait beaucoup, mais celle-là, c'était sûrement ce qu'on pouvait faire de plus spectaculaire. Le portrait robot, parfait, quoi. Ouais. Après Michel Rocard. Et puis c'était la plus proche de lui aussi. Est-ce que les Français la connaissaient bien à l'époque? Est-ce que c'était une star de la politique ou simplement quelqu'un de connu? Elle avait été ministre. Oui, oui. Bon, ministre quand même, oui, elle était connue. Enfin, c'est pas une star, la politique non plus. C'était d'abord, elle avait commencé par la Convention des institutions républicaines, comme vous l'avez remarqué, c'est-à-dire qu'elle n'était pas socialiste d'origine. Et ça, ça a beaucoup compté, parce que elle n'a jamais fait partie réellement de la famille socialiste. Est-ce qu'elle a appris à parler le socialisme, comme disait Guy Mollet dans Mitterrand? Elle n'est pas socialiste, mais il a pas socialisme, il a appris à parler socialiste. Ouais, à peu près, mais alors là, c'était... ensemble deux personnes qui avaient des problèmes avec le Parti socialiste. Et c'est le cas d'Edith Cresson, d'ailleurs. Elle était connue, oui. Elle avait été ministre de l'Agriculture et elle avait été à ce poste. C'était presque une provocation, donc vous l'avez dit aussi, de la nommer. Mais après, comme ministre de l'Industrie, elle avait été tout à fait considérée par les grands patrons. Elle avait eu un dialogue avec les grands patrons et c'est là d'ailleurs qu'elle avait envisagé une possibilité de faire entrer le capital privé dans beaucoup de sociétés publiques. C'était une des premières. C'était une social-démocrate en fait. C'était plus social-démocrate que socialiste. C'était une social-démocrate et ceci étant, Mitterrand, dans sa conférence de presse le 14 juillet, avait bien dit que oui, c'était la fin du ni-ni, vous savez. Donc lui aussi voulait orienter sans doute, élargir sa majorité à une époque où arrivaient les législatives qu'il savait perdues. Est-ce que la thèse selon laquelle François Mitterrand a nommé aussi Edith Cresson première ministre, ce qui faisait de lui le premier président qui marquera l'histoire pour avoir nommé une femme à Matignon, est une hypothèse crédible, plus que crédible, voire vraie? Oui, je pense que il a toujours pensé. D'ailleurs, il a pensé assez tôt parce que lorsque il a pris la tête du Parti socialiste, il a lui-même mis Edith Cresson à la tête des jeunes socialistes qui étaient à l'époque vraiment assez remuants, en disant elle va s'en occuper, elle va faire régner l'ordre. Et je me rappelle que Pierre Mauroy disait c'est une capot. Ah oui, carrément. Elle avait été donc baptisée comme ça dès le début par les jeunes socialistes. Ce qui prouve que les plus vieux des socialistes... Et puis, il faut bien dire que Ils s'attendaient tous à ce moment-là, après Rocard, les compagnons de route de Mitterrand. Ils s'attendaient tous à être Premier ministre. Jacques s'y attendait, Bérégovoy... Surtout Bérégovoy. Bérégovoy ne pensait qu'à ça. Il a subi la nomination de Edith Cresson comme un affront personnel. Et en même temps, les proches de Mitterrand, c'est-à-dire essentiellement Roland Dumas et Robert Badinter, juger qu'elle n'était pas prête, voilà, depuis le début. Donc elle n'avait pas le soutien du Parti socialiste, voilà. Donc c'est difficile quand en plus on n'a pas une majorité claire à l'Assemblée nationale. Oui, ça rend les choses effectivement compliquées. Alors on va arriver au cœur de notre sujet. Edith Cresson, c'est un échec quand même, parce que 10 mois, c'est un échec. Bien. Alors c'est pas un échec simplement parce que c'était une femme et qu'elle était victime du machisme. Elle y a mis un peu du sien quand même. Mais on va revenir quand même sur sa condition de femme. C'était vraiment difficile. Quel est votre regard là-dessus, sur l'explication de l'échec? Ah, d'abord, effectivement, c'était une femme, et souvent, ce qu'on pardonne aux hommes, se mettre en colère, ou lever la voix, ou lancer des parapheurs, on le supporte chez un homme, on ne le supporte pas chez une femme. Ça, c'était vraiment très très important. Et puis aussi le fait qu'elle ait eu à Matignon un collaborateur très proche, qui était son inspirateur, qui s'appelait Abel Farnoux, et qui lui-même était profondément maladroit avec l'ensemble du Parti Socialiste. Alors évidemment, les deux, ça faisait beaucoup. Donc je crois qu'il y a une grosse partie, oui c'est une femme, on ne lui pardonnait rien. Je me rappelle par exemple son discours de politique générale. Elle a fait un discours de politique générale, alors on voit qu'elle avait fait très attention, elle était très maquillée. On rappelle aux auditeurs que le discours de politique générale, c'est le grand oral, voilà, du Premier ministre qui vient d'être nommé. Alors elle était absolument superbe, je me rappelle, avec un beau tailleur noir, très élégante, mais avec une voix très aiguë qu'elle n'avait pas eu le temps de poser. Vous savez, ça s'apprend. On peut poser sa voix, ça s'apprend, mais elle l'avait pas fait. Et donc je me rappelle que tout ce que retenait et l'opposition et une partie de la majorité, c'était « Oh, cette voix, c'est insupportable, elle peut pas dire... » C'est une voix de femme. Ouais. C'est une voix de femme. Bah, oui. Donc, on voit très bien que c'était tellement inhabituel que, bon, moyennant quoi, comme vous le savez, Simone Veil, avant elle, avait livré le combat sur l'avortement en ayant une autre voix, une autre personnalité, et sans s'aliéner tout le monde. Et le fait qu'on ait un peu parlé de son tailleur, là aussi, de Michel Rocard, on n'a pas parlé de son costume. Donc là, et justement, je me rappelle que Michel Rocard, à l'époque, avait fait un discours... Parce qu'on s'en fiche, et c'est normal. Par exemple, Michel Rocard avait fait un discours de politique générale, donc l'équivalent de ce qu'allait faire Edith Cresson. Et je me rappelle qu'on avait dit, à l'époque, ah bah vraiment, c'est pas les discours d'un Premier ministre, il est descendu dans les cages d'escalier. Donc c'est toute la difficulté de ce discours de politique générale, où on survole tout, on dit y a rien de concret, où on entre dans le détail, alors on dit vraiment, c'est les cages d'escalier. Bah, elle n'avait pas démérité par rapport au discours de Michel Rocard, mais le lendemain, la presse entière, et qu'elle soit de gauche ou de droite, disait, ah, c'est une contre-performance. On va écouter un extrait du documentaire, le fameux documentaire L'Enfer de Matignon. J'ai envie de dire l'enfer réel ou supposé, parce que comme Balladur avait dit assez finement, il a dit oui, ils disent l'enfer de Matignon, j'en connais pas un carrefour. Oui, donc... et d'ailleurs Édouard Philippe pourrait dire la même chose aujourd'hui, alors, publiquement en tout cas. Exactement, donc dans L'Enfer de Matignon, Edith Cresson parle de l'accueil réservé aux femmes dans le monde politique. On ne parle pas de la politique du Premier ministre, on parle de sa personne. Alors par exemple, elle a des bas qui sont filés. En fait, j'avais des cicatrices au genou parce que j'ai eu un accident de voiture. Les photographes se mettaient accroupis sur le trottoir pour me photographier quand je descendais de ma voiture. Donc c'était, je veux dire, une femme, Premier ministre, c'est un animal étrange. Et donc toutes les particularités des femmes, ses mains, la bague qu'elle porte, etc., on va mettre ça en évidence, comme si c'était important, ça n'a aucun intérêt. Donc il y a quelque chose qui est spécifiquement français, jacobin, qui identifie le pouvoir à quelque chose de sacré, ce qui est dans la tradition monarchique, et le sacré, seuls les hommes peuvent s'en approcher. Le fait qu'une femme fasse partie de la chaîne qui éventuellement appuierait sur le bouton nucléaire... est quelque chose qui est impensable. Alors, comment expliquer que depuis Edith Cresson, il n'y ait pas eu de femme première ministre? Alors, on pourrait avoir une explication simple et peut-être juste. Bah, peut-être qu'on n'a pas trouvé à ce moment-là une femme compétente. Ça me paraît bizarre quand même. Pourquoi, alors qu'il y a eu ce précédent intéressant d'Edith Cresson, et pourquoi il n'y a pas eu d'autres femmes, alors, enfin? D'abord, je ne dirais pas qu'elle a échoué seulement parce qu'elle était une femme. C'est ce qu'on a dit. Je ne le crois pas. Non, mais il faut quand même dire qu'elle a fait un certain nombre d'erreurs considérables et inutiles. Et inutiles avec les gens, dans des phrases, dans des petites phrases qui retombaient dessus. Elle a fait, vis-à-vis du Parti Socialiste, presque un sacrilège lorsqu'elle a défendu les charters pour immigrer à un moment donné où elle reprenait un peu un thème de Charles Pasqua, ce qui a, alors peut-être qu'aujourd'hui on trouverait ça tout à fait normal, mais là, sur le moment, l'ensemble des socialistes avaient été révulsés. Alors je passe sur les Anglais homosexuels, qui a alimenté, vous voyez. Hein. Donc c'était quelqu'un qui avait des petites phrases. Nous savons que les petites phrases, c'est difficile à manier, et pour un Premier ministre, et pour un Président de la République. Bon, elle a fait quand même un certain nombre d'erreurs, dans sa brutalité, je dirais. Et elle était choisie par Mitterrand, au fond, pour bousculer toute cette administration. Et l'administration a été plus forte qu'elle, mais si ça avait été un homme et qu'elle avait voulu les bousculer de la même manière, en effet, ils auraient réagi de la même façon. Donc je pense quand même que elle a tout à fait raison sur le fait que c'est un ovni, un objet politique non identifié, une première... Mais enfin, les gens ne s'étaient pas dit ça lorsque, encore une fois, Simone Veil a révolutionné quand même les mœurs en France en plaidant pour l'avortement. Par exemple, je pense que dans le même gouvernement, il y avait Martine Aubry. Oui. Martine Aubry n'aurait pas commis les mêmes erreurs. Elle n'aurait sans doute peut-être été considérée peut-être autrement parce que c'est une femme. Elle aurait subi une misogynie classique qu'ont subi d'ailleurs toutes les femmes au Parlement. Mais je pense, par exemple, ça aurait été possible. Et il aurait été très possible, au fond, qu'elle le soit lorsque François Hollande est arrivé au pouvoir, puisqu'on en a parlé. Donc, je suis toujours mitigée sur cette affaire d'Edith Cresson, que je trouve humainement... courageuse, gonflée, voilà. Je trouve aussi qu'elle a été en effet lâchée par Mitterrand, pour lequel aujourd'hui elle a des mots très durs. Mais voilà, c'est la politique. On n'est pas obligé d'ouvrir contre soi tous les fronts à la fois. Et là, tous les fronts étaient ouverts. La droite, naturellement, mais surtout l'ensemble du Parti Socialiste. Quand tous les fronts sont ouverts et quand vous n'avez pas la majorité absolue, eh ben, ça marche pas. Et puis aussi, elle est arrivée à un moment difficile, parce qu'on était au début de la période dite crépusculaire du PS avec François Mitterrand. Et puis, période crépusculaire, non, terrible. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Jusqu'en 93. Les trois ans de Rocard, c'était très bien passé. Non, après Rocard, au début. C'est-à-dire qu'elle a commencé effectivement à il y avait les affaires, baisser les prestations. Qui ne la concernaient pas, mais il y avait les affaires qui concernaient le PS. C'est ça que j'appelle la période crépusculaire. Oui. C'est pas facile pour Je pense que la dernière année qu'a vécu Bérégovoy, alors, qui voulait tellement, lui, était encore plus crépusculaire. Bien sûr. Les élections législatives qui se profilaient pour 86 n'étaient pas encore totalement perdues parce que, encore une fois, Mitterrand et 87, parce que Mitterrand et Rocard étaient vraiment au sommet, au sommet des sondages. C'est quand même, effectivement, le décrochage s'est fait à partir de... Mais il faut dire qu'elle a attaqué tout de suite la gouvernance de Michel Rocard, en disant que la sécurité sociale était en crise, et elle avait raison, et en diminuant les prestations de 0,9%, ça a été sa première décision. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que dès que le mois de juillet, 70% des Français sont pour une femme Premier ministre quand elle est nommée, et ils ne sont plus que 40% deux mois et demi plus tard. Donc ils ne sont pas contre le concept, enfin contre le fait qu'une femme soit à Matignon, pas du tout. Non. Mais ils sont contre le fait que ça a été cette femme-là, et ils sont bilan. Voilà. Oui, là. Et puis c'est vrai, on pardonne moins aux femmes les erreurs qu'on pardonne aux hommes. Voilà, ça c'est vrai, ça reste vrai d'ailleurs maintenant, ça reste vrai dans tous les domaines. Mais bon, elle était effectivement une personnalité courageuse, mais qui n'a pas maîtrisé. Pas seulement au rang de la communication, au niveau de la communication, mais aussi au niveau de la politique. sa trajectoire. François Giroud disait, vous avez cité François Giroud tout à l'heure. Oui. Et je me rappelle François Giroud au bout de 3 mois, alors qu'elle l'avait accueilli au contraire en disant voilà quand même une femme. Hein, elle lui a dit, elle n'a pas la manière. Et il y avait une certaine manière, effectivement. Et c'était juste, elle avait même un train de retard en termes de communication, parce qu'en disant les choses tout nettes, sans les enrober d'un minimum, voilà. Un minimum de précautions à prendre qu'elle n'a pas prise, mais ça fait aussi sa valeur d'une certaine façon. Sa valeur. Donc c'était le pari de Mitterrand, de nommer Edith Cresson, sans genou idiot. J'en viens pour un mot sur votre pari de Mitterrand, Paris, capitale, Mitterrand, bâtisseur, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce livre? L'idée qu'on dise tout le temps, c'est un jeune homme de province, il vient de province, d'Angoulême et des Charentes, et qu'en réalité, il a beaucoup aimé Paris, au point de le transformer. Comme aucun autre président ne l'a fait. Ce sera le mot de la fin, Michel Cotta. Merci infiniment. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Edith Cresson, Première Ministre, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission Livre Référence et, si le cœur vous en dit, vos commentaires. Merci à Tristan Gratalon qui était à la technique aujourd'hui.